Entre-temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. Nous vous retrouvons en direct pour parler du syndrome d'épuisement appelé plus communément burn-out. Nous sommes donc l'association Ralentir pour vivre. Qui sommes-nous ? Une équipe de 4 personnes, dont une psychiatre, le docteur Koefik, qui apporte son soutien médical, une médecin généraliste, Odile Biot-Simon. Pour ma part, en tant que présidente et animatrice, j'apporte ma connaissance de par mon expérience, car oui, moi aussi, j'ai été victime du syndrome d'épuisement il y a 20 ans. Nous avons également la collaboration de Jean-Luc Tonnerieux pour la logistique. Notre but, c'est informer et sensibiliser, ce qui est une forme de prévention. Comment ? Par une campagne de témoignages avec l'émission « Il était une fois le burn-out » diffusée toutes les deuxièmes dimanches de chaque mois à 17h sur Radio Gemozo. Ce dimanche, vous aurez le plaisir d'entendre le témoignage de Lisa qui va être exactement dans le sujet du jour, le burn-out des jeunes. Lisa a eu un burn-out à 20 ans et maintenant elle a 25 ans et elle en parle. Nous faisons également des conférences d'information médicale, des conférences gesticulées mêlant le savoir chaud, l'expérience avec le savoir froid médical, ainsi que des scénettes de théâtre, entre autres le burn-out des agriculteurs et le burn-out des enseignants qui va bientôt arriver. Pourquoi ? Parce qu'en parler permet de rendre visible l'invisible. Ça permet aussi de ne pas se sentir coupable d'en avoir été victime, car ce sujet est souvent tabou. Et ainsi, en parler permet d'arriver à une résilience. Le syndrome d'épuisement, pour le présenter de manière simple, on va pas faire compliqué, c'est la pression sur le long terme. C'est avant tout une maladie de société et non de l'individu, quand bien même il en est victime, hein, on est bien d'accord. C'est donc le culte de la performance, soit le meilleur des meilleurs avant d'être le meilleur, le culte de l'urgence, fais-moi pour hier ce que je t'ai demandé pour demain, le culte de la concurrence aussi, parce que ben, ça fait bien de bousculer et puis de monter sur la marche à la place de son collègue, ou la manie d'évaluation. Là, j'en reviens toujours à vous acheter une paire de draps. Est-elle de la bonne couleur? Est-elle assez douce? Est-elle bien? Voilà. Vous devez tout évaluer. Seulement, le problème, c'est que maintenant, on évalue aussi les êtres humains. Et ça, ce n'est pas la même histoire. C'est une pression qui n'est pas saine pour le corps humain. Les chiffres, 3 millions de Français en forme grave. Ça concerne 40% de la population. Donc, 40% de la population, 4 personnes sur 10, hein, 2 sur 5. C'est quand même énorme. C'est une violence morale plus insidieuse que la violence physique, car cela ne se voit pas. Donc on va en venir au sujet du jour, le burn-out des jeunes. C'est un sujet qui est problématique. Alors j'ai été bien sûr voir les statistiques, parce que je ne suis pas quelqu'un qui connaît ça sur le bout des doigts, hein. Je dois me renseigner. Et donc une étude de 2014 disait déjà à l'époque que 16% des 15 à 29 ans présentaient au moins un symptôme d'épuisement. 64% des 18 à 34 affirmaient être stressés. 12% se déclaraient vidés par leurs activités. Maintenant, on arrive en 2021, 2022, 2023, 2024. On considère que 15% des adolescents sont épuisés avec des syndromes d'épuisement violent. Et le pire dans l'histoire, on considère que 98% des jeunes se sentent stressés. Aujourd'hui, nous avons une invitée, Lee, qui sera la porte-parole des jeunes pour ce syndrome d'épuisement. Elle va nous apporter son expérience dans le cadre de ses études et de son démarrage dans la vie active. Quoiqu'elle n'ait pas fait de burn-out, nous pourrons parler des facteurs qui peuvent déclencher un syndrome d'épuisement. Voilà. Avant d'entendre Lee, nous allons entendre un interview qui m'a marqué de Brigitte Fadi-Cohen. Et là, je vous laisse écouter ce qu'ils disent parce que c'est, à mon sens, phénoménal. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Oh, moi, ça va. personnellement, jusque-là, ça va. Je tenais à vous rassurer quand même. Mais on va parler d'un mot qu'on n'a jamais autant employé qu'en ce moment, hein, le burn-out au travail. C'est devenu vraiment un sujet médiatique, voire même politique. Mais qu'en est-il du burn-out pour les enfants ou pour les adolescents? Parce qu'on estime qu'un adolescent sur trois est dans la situation de burn-out, ou en passe de l'être. Et dans un livre qui vient de paraître, une psychologue montre qu'il est possible d'éviter ce phénomène et de protéger ses enfants. Alors, Brigitte Fadi Cohen, qu'est-ce que c'est que le burn-out? Comment est-ce qu'on peut définir cette situation? Alors, d'abord, il y a le burn-out des adultes, qu'on connaît bien, qui est un phénomène qui a d'abord été décrit au Japon, avec des employés qui travaillaient jusqu'à 15 heures par jour, qui subissaient une pression énorme de leur hiérarchie. Puis finalement, on s'est rendu compte que ce phénomène existait un peu partout dans le monde. Et le burn-out professionnel, enfin, c'est cet épuisement dû à une surcharge de travail très, très importante, avec une personne, par exemple, qui n'arrive plus à récupérer, qui souffre d'une fatigue intense, qui a ce sentiment de ne pas y arriver, qu'il y a une perte d'estime de soi qui peut conduire à la dépression et même dans les cas les plus graves à une hospitalisation dans un service de psychiatrie. Donc c'est une espèce d'implosion, on va dire, d'explosion de tout, quoi. Exactement. On n'en peut plus. Exactement. Et chez les enfants, effectivement, puisqu'il y a déjà, même je dirais, plusieurs années que des professionnels de l'enfance tirent la sonnette d'alarme en disant mais attention au stress des enfants à l'école. Et aujourd'hui, certains psychologues effectivement dénoncent le burn-out, carrément le burn-out des enfants et des adolescents qui sont aussi soumis à une pression intense à l'école, parce qu'on leur demande aujourd'hui d'être bon partout, dans toutes les matières, y compris dans les activités extrascolaires. Et cette pression, effectivement, peut aboutir à ce burn-out. La même chose que chez les adultes. C'est un épuisement professionnel, entre guillemets, puisque la profession des enfants, c'est d'aller à l'école, c'est leur boulot, c'est leur métier. Et donc, ils vont avoir aussi cette fatigue intense, ce sentiment de ne pas pouvoir récupérer, les notes qui chutent, donc cette mauvaise estime d'eux-mêmes. Et puis, ça peut se traduire aussi par des phobies scolaires, des troubles du sommeil et dans les cas les plus graves par des tentatives de suicide. Ça s'est déjà observé. Donc comment faire pour éviter aussi que les parents repèrent les premiers signes? Quels sont ces premiers signes du burn-out chez l'enfant et l'adolescent? Et puis comment les protéger de ce phénomène? Le premier signe du burn-out, c'est assez facile finalement. C'est l'épuisement nerveux. Donc ça fait des enfants qui sont exténués. Et même ils reviennent de vacances, ils tiennent plus debout. Vous voyez, ils sont là, ils veulent plus s'habiller, ils veulent plus rien faire. Ils sont fatigués, éreintés. Des problèmes d'endormissement, des problèmes de sommeil. On a ensuite des enfants qui ne savent plus réfléchir. Vous leur dites n'importe quoi, ils ne vous croient plus. Et des enfants irritables, avec les larmes aux yeux en permanence. Ça, ce sont les premiers signes. Les causes majeures du burn-out sont plurifactorielles. C'est le système au sens large qui met une pression aux parents, aux enseignants et donc par ricochet aux enfants. Tu vas y arriver. Je connais pas mes parents. Oh mais tu vas pas pleurer quand même. Donc il y a la pression de l'école quand on leur demande d'avoir des 20 sur 20 tout le temps, qu'un enseignant vous met un 13 sur 20 et vous avez un avertissement de travail, l'enfant ne comprend pas. Le parent qui demande 20 sur 20 en permanence, aussi bien à l'école que dans les activités qui devraient être des activités de loisirs, donc d'être le premier dans la compétition, d'être le premier en équitation, toujours faire mieux et mieux et mieux et mieux, plus les enfants eux-mêmes qui se mettent la pression dans la cour de l'école en disant que c'est mauvais quand on n'a pas 20 sur 20. C'est pas ça, mais c'est pas possible. Comment ça se fait? C'est facile à apprendre pourtant. Il existe un profil type des enfants et des adolescents plus à risque. Ça va être des enfants plus sensibles, plus conscients, qui donc ont envie toujours de bien faire, qui sont concernés par l'école et qui ont envie de réussir et qui à un moment donné perdent le sens de ce qu'on leur demande avec aucune reconnaissance et le sentiment que leur travail ne sert à rien. Oh, bah non, pour moi c'est pas suffisant. Là, il faut vraiment que tu vises au collège, tu vises 17, 18, 19. Il y a des conseils très simples que les parents peuvent suivre. C'est déjà se poser la question de pourquoi le système ou eux-mêmes veulent que leurs enfants soient les premiers partout. Parce que si on réfléchit, le but de l'école, c'est d'aller dans la classe du dessus. Donc le 20 sur 20 n'a aucun sens. Un bon petit 12, ça suffit. Donc il faudrait que les parents soient le deuxième son de cloche pour dire aux enfants, d'accord, t'as 15, on te dit que c'est pas suffisant, tu peux effectivement mieux faire, mais ça suffit bien. Donc il faut arriver à croire ce deuxième son de cloche et puis à se recentrer en disant mais il n'y a pas que l'école, l'école j'y passe un moment et il y a toutes les autres activités que je vais investir ou réinvestir pour y prendre du plaisir. les copains. L'école, ça peut être juste le lieu où on se fait des copains et où on travaille, pas beaucoup. Ça suffit. Merci. Je pense 15, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous nous regardez. S'il y a un ado qui nous regarde là, 15, déjà chapeau. Oui, hein. Très bien. Bravo. Donc, alors, les signes donc, à repérer chez les parents. Voilà, donc on a vu les signes à repérer et surtout, ne pas hésiter à consulter. Je crois que c'est important quand on est dans cette situation de souffrance scolaire, hein, c'est qu'on consulte, qu'on soit aidé par un professionnel de santé, aider d'abord l'enfant à lâcher prise par rapport à l'école, par rapport à cette performance scolaire, aider les parents aussi à penser l'école différemment, parce que c'est formidable d'être premier de la classe quand c'est sans souffrance, mais quand c'est au prix d'une souffrance importante pour l'enfant, vraiment non, comme dit Béatrice Millet, qui vient d'écrire ce livre, Le burn-out des enfants aux éditions Payopsy, que je vous recommande. Des fois, un petit douce, ça suffit. Merci beaucoup, Brigitte. Voilà, tous les renseignements, évidemment, sont sur le site de Télématin. Voilà, nous revoilà en direct. Après, je dirais un bon état des lieux, parce que quand on arrive à une émission et qu'on dit on va parler du burn-out des jeunes, on pourrait avoir tendance à ne pas nous prendre au sérieux, parce qu'on exagère, évidemment, et on n'écoute pas souvent les jeunes, effectivement. Donc, je vais déjà rappeler, parce que je ne l'ai pas dit avant, autant pour moi, que vous pouvez intervenir en direct par téléphone au 03 29 62 40 40 ou sur nos réseaux sociaux, la page de Radio Gemozo ou sur Ralentir pour vivre à Beau. On attend parce que les jeunes, peut-être que vous serez plus aptes à intervenir, même avec un seul petit émoticône, ça serait bien déjà de nous montrer que vous êtes de tout cœur avec nous, d'exposer ce problème. Donc voilà, nous allons vous présenter Lee. Bonjour Lee. Bonjour Catherine. Et donc, en écoutant cette interview, quelles ont été tes premières réactions ? C'est très complet déjà. Ce que je te disais en off, c'est qu'on minimise beaucoup ce que les enfants disent. Le stress chez les enfants, c'est pas si écouté que ça. Comme il le disait, c'est les activités extrascolaires, plus les notes à l'école, plus la pression des parents derrière. Ça fait beaucoup, sauf que pour les adultes, on dirait que c'est rien. Mais et pour justement, parce que alors là, c'est ton témoignage qui est intéressant, pas en tant que burn-out, parce que ça t'est pas arrivé, mais non. En tant que jeune, toutes ces attentes de l'extérieur, comment les ressens-tu ? Alors, moi, j'ai de la chance d'avoir eu une maman qui ne mettait pas tant la pression que ça. Ça veut dire que quand je lui disais que j'étais fatiguée, elle me laissait l'opportunité de prendre du recul et de justement pas aller au lycée pour lâcher la pression. Mais effectivement, au collège et au lycée, en tout cas la seule année que j'ai fait au lycée, les profs, c'est... Comment expliquer ça ? En fait, on réduit les élèves aux notes. Ça veut dire que si t'es mauvais, t'es tout simplement bête. Hein. Et si t'as des bonnes notes, t'es très intelligent, donc t'es mis au-dessus des personnes. Ça veut dire que si t'as des bonnes notes, c'est toi qu'on va valoriser, mais on va pas pousser vers le haut les personnes qui ont des mauvaises notes, en fait. Voilà, on va tout de suite être réduit à ces mauvaises notes. Tout à fait. Mais entre vous, ça se passe comment ? Il y a une concurrence ? Il y a des cases, en fait. C'est les personnes qui sont bonnes à l'école, elles sont ensemble. Les personnes qui sont mauvaises à l'école, elles sont ensemble. Ah. Et c'est... Après, ça, c'est le cadre de l'école. C'est comme ça. On a beaucoup de cadres. C'est pour savoir, parce que ce que tu as dit au départ m'a quand même marqué, c'est qu'en fait, effectivement, on n'a pas une vision de ce qui se passe dans le monde d'enfants, enfin de jeunes ou d'adolescents, on a ça comme une vision de « c'est bon, on gère, c'est nous qui savons ». En fait, les parents sont les sachants. Exactement, mais non. Non, c'est ça. J'ai vécu ça comme... j'ai été longtemps entre deux parce que j'étais une enfant qui n'avait pas des facilités à l'école. Donc... Moi, j'ai été touchée par t'as des mauvaises notes, donc t'es mauvaise à l'école, donc t'es nulle tout court. Et ce côté caste, ça fait peur quand même. Ça veut dire que avant de rentrer dans la vie active, on crée déjà à l'école des petites boîtes. Toi, t'es bleu, toi, t'es jaune, toi, t'es rouge. Je caricature, en gros. Non, mais c'est comme ça. Et alors après, quand tu rentres dans la vie, ça se passe comment ? T'es dans ta petite boîte et avec les gens de ta petite boîte et tu mélanges pas avec les autres ? Non, du coup. enfin moi ça m'a pas fait, enfin ça m'a pas fait ça du tout. Quand je suis rentrée dans la vie active, ça m'a libérée, mais je sais pas à quel point. Enfin c'était incroyable. Après j'ai commencé la vie active avec un service civique, oui. Donc c'est pas encore exactement la même chose qu'être salarié, mais la libération, c'est on te prend comme tu es avec avec les facultés que tu as, mais c'est pas grave si t'es mauvaise. On est là pour t'apprendre les choses. On te fait avancer, enfin, c'est complètement différent. C'est vraiment pas être réduit à t'es mauvais dans ça, et bah de toute façon t'es nul. Oui. Non, c'est t'es bien dans ça, bah tant mieux, et on va te monter vers le haut avec ça, tu vois. Donc t'as vu une très grande différence. Ah oui, énorme. Donc la pression dont tu parlais en tant qu'adolescent, on va reprendre ça sitôt après une petite pause musicale. Je trouve cette chanson très intéressante, Oshi qui chante Mauvais rêve. Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui c'est ma naissance. Je suis prématurée, ça sera ma seule fois en avance. J'ai pas à quoi m'attendre, est-ce que ma vie va étendre? Allez, je m'endors pour mon premier rêve. La vie a l'air facile, je viens d'avoir 4 ans. Je me suis trompée de fil, je voulais être avec les grands. Je me cachais sous la table, on m'a volé mon cartable. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. J'ai changé de style, je viens d'avoir 7 ans. Suis-je garçon ou fille? Pourquoi personne ne me comprend? Et dès que sonne la récré, je me fais insulter. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je continue de grandir, aujourd'hui j'ai 9 ans. Qu'est-ce qu'on va m'offrir? Y aura combien de gens? Mais le soir de ma fête, en fait, j'avais pas de fête. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Ça y est, je suis en 6e, j'ai enfin 11 ans. Je rentre pas dans leur système, j'apprends trop facilement. Je m'ennuie dans tous les cours, on trace déjà mon parcours. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je regarde un peu les filles, j'ai maintenant 14 ans. J'ai les yeux qui brillent, dois-je le dire à mes parents? On m'a frappé la tête contre la neige devant tout le collège. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Enfin le lycée, j'ai bientôt 16 ans. J'aime bien l'embrasser, je me fous du regard des gens. Pourquoi elle m'a quitté alors que je l'aimais tant? Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. J'ose pas rentrer chez moi, pourtant j'ai 18 ans. Je viens de rater mon bac, comment le dire à maman? Je n'irai pas à la fac et mon CV sera blanc. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je chante dans la rue, je fête mes 19 ans. Pour moi j'évolue, pourquoi on me rabaisse tout le temps? Pour tout le monde je suis foutu, je me demande à force si je me mens. Oh non, je voulais juste vivre mon rêve. Genre en soirée techno, c'est bon j'ai 20 ans. Je me drogue un peu trop, je profite de l'instant. Putain tout me dépasse, commence les crises d'angoisse. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Je chante ta marinière, je vais mieux, j'ai 21 ans. À la fin des concerts, le public m'attend. Mais quand je rentre en taxi, où sont passés mes amis d'avant? J'ai dû faire un mauvais rêve. J'assume qui je suis, je viens d'avoir 23 ans. Je veux de l'amour dans mon pays, je veux qu'on me voit vraiment. J'embrasse une femme aux victoires, après c'est le cauchemar. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Il s'attaque à mon physique, j'ai tout juste 24 ans. J'ai fait de la musique, y'a rien d'effrayant. La méchanceté est gratuite, mais les efforts seront payants. J'ai dû faire un mauvais rêve. La vie me met en tac du haut de mes 25 ans. Ma maladie porte une cape et me grignote les tympans. Je serai pas aussi toute la vie, je devrais vivre sans vos cris. Oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Et puis ça continue, j'ai toujours 25 ans. Mon papy me quitte une nuit, elle laisse derrière lui un coin blanc. Je comprenais pas la vie, je vais devoir comprendre la mort maintenant. J'ai dû faire un mauvais rêve. Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui j'ai 26 ans. J'ai le cœur parapluie, le corps rempli de sentiments. J'aurai un nouvel album, est-ce qu'il va toucher les gens? J'espère. Moi je veux juste vivre mon rêve. J'ai dû faire un mauvais rêve. Feel it. Voilà, nous revoilà en direct. Alors, pour tous ces jeunes dont on va parler aujourd'hui, effectivement, Ralentir pour vivre a vraiment envie de lancer la parole sur ce sujet, parce que les jeunes, c'est l'avenir déjà, et c'est surtout notre responsabilité. Donc voilà, donc vous pouvez nous joindre au 03 29 62 40 40 ou sur les réseaux sociaux, sur Radio Guémozo, ou alors sur Ralentir pour vivre à Beau. Voilà, Li, nous te retrouvons. Alors, effectivement, là, c'était une globalité. Moi, ce que j'aimerais comprendre, parce qu'après cette chanson de Oshi qui est Mauvais rêve, on entend sa vie comme ça. Donc, si j'ai bien compris un résumé, tu étais dans une famille qui était, on va dire, open. Oui. On va parler un peu jeune, hein, puisqu'on parle à des jeunes. Hein. J'ai eu des parents qui étaient à l'écoute. Voilà, qui étaient à l'écoute. Maintenant, tu avais des amis, tu avais d'autres expériences autour de toi qui n'étaient pas comme ça. Oula, non, non, non, non. Comment dire ? J'ai été, donc je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de problématiques, moi, au collège, enfin, même en primaire, en fait. Au collège, tout de suite, on m'a mis dans la case de mauvais élève. Donc, en cinquième, j'ai été en classe pro, comme on appelle ça. Ouf. Donc, voilà, comme on disait tout à l'heure, dans une case tout de suite réduite à « tu es mauvais élève, donc tu es dans la classe des mauvais élèves » ou « qui ne veulent pas travailler ». Donc, ça, on peut en parler aussi. J'étais dans la classe des enfants qui ne voulaient pas travailler. Donc, c'était pas du tout un endroit favorable pour moi pour... Mais si tu voyais ça avec le recul, parce que là, moi, tu vois, vu mon âge, je pose des questions un peu bêtes, hein, on est bien d'accord, je connais pas la jeunesse. Non, mais je connais pas la jeunesse vraiment. Mais tu dis les personnes qui voulaient pas travailler, alors toi qui étais dans ce milieu, est-ce que c'était réellement que vous ne vouliez pas travailler ou est-ce que ça ne vous correspondait pas? Là, tu peux répondre personnellement là-dessus. Alors, moi, je voulais travailler, mais les personnes qui étaient avec moi, non. Non. Donc ça me mettait pas dans un cadre scolaire favorable. La pression était surtout sur le fait que, en fait, si j'ai bien compris, à partir de la sixième, on vous met dans des boîtes. Tout de suite. Voilà. Tout de suite. D'accord. Et donc, on vous dit pas bonne, moyenne, très bonne. Voilà. En gros, c'est ça. Et c'est jusqu'à la sixième, si tes souvenirs sont bons, est-ce que ça correspondait à ce que... Parce que... Alors, non, je recommence depuis le début, on récapitule depuis le début, parce que je vois devant moi une jeune fille qui est apte à faire des choses, tu fais effectivement aussi des émissions ici, je t'ai entendu, les capacités, tu les as, enfin, on va arrêter de se mentir, non, mais on va arrêter de se mentir, on va se dire les choses en face. Alors, je sais pas, c'était peut-être que tu avais plus de peine à faire 365 multiplié par 88. Bon, bah d'accord, j'entends bien. Mais dans la réalité, si je comprends bien, on te gavait de choses qui ne correspondaient pas à ce dont tu avais besoin. Exactement. Moi, je suis très artistique et je l'ai toujours été. Et l'école, ça ne me correspondait pas du tout. Donc forcément, je n'étais pas bonne dans ce qu'on me demandait de faire. Oui, je comprends ce que tu dis. Maintenant, j'entends que tu dis que tu n'étais pas bonne. Alors, on en est vraiment à la pathologie de société. Hein, parce que nous, adultes, on nous a déjà inculqué le culte de la performance, la concurrence, le culte de l'urgence, la manie d'évaluation. Mais quand j'entends une jeune, j'ai l'impression qu'on t'a moulé ça. Mais alors, ton cerveau est super moulé, quoi. À l'école, on t'a moulé, mais complètement. On t'a mis des fers rouges et c'est fini. T'es là-dedans. Parce que à chaque fois que je te dis t'es bien, tout de suite, c'est oh là là, oh non, bah, oh non. Comme si... C'est quand même incroyable. On est au 21e siècle. On devrait quand même être à un siècle où on dit reconnaître les enfants, les écouter, être à leur écoute. Et tu me parles d'une classe où on te dit, bon, t'as pas eu des bonnes notes, c'est bon, t'es dans les mauvais. Ça veut dire quoi, ça? Bah, c'est que tu n'es plus une personne à part entière, tu es un élève. Donc ça veut dire qu'on te voit que par ça. Et on est une classe avec une moyenne, t'as le premier, t'as le dernier, enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Si, t'expliques ça très bien. T'es dans des cases que tu dois répondre, voilà. En fait, t'es réduit à t'es le premier de la classe, t'es le meilleur, t'es le dernier de la classe, t'es le moins bien. Oui, donc c'est une pression. Et comme t'as toujours été dans ce cadre-là, tu le dis, moi, je vois pas en quoi c'est problématique. Enfin, si je le vois aujourd'hui, mais quand t'es dedans, ça donne de la pression à max pour être le premier, parce que le premier est le meilleur. Oui. Donc moi, j'étais tout le temps dans la dernière partie de la classe, donc pas considéré par les profs, ou très peu, pas considéré par les bons élèves. Enfin. Mais alors, si je comprends bien, on a tellement formaté cet esprit d'être le meilleur des meilleurs, donc le culte de la performance. En fait, si t'es pas premier, t'as pas d'avenir. C'est le message que tu as ressenti. C'est comme ça que tu le ressens. Tout court, c'est franchement, moi, toute ma jeunesse, toutes mes années de scolarité, mais qu'est-ce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu travailles pas, qu'est-ce que tu vas faire si t'as pas d'avenir, si t'es pas bon, t'as... Mais c'est une pression phénoménale. Je suis d'accord, c'est fou. Ouais, moi, ça me fait des frissons, tu vois. Si t'es mauvais à l'école et si t'as pas les bonnes notes, alors moi, j'ai arrêté l'école en seconde. J'ai redoublé ma troisième et j'ai arrêté l'école en seconde. Les personnes, les professeurs qui m'ont appris que j'arrêtais l'école en seconde m'ont dit que je n'avais pas d'avenir si j'avais pas le bac. On est réduit à avoir le bac, en fait. Si tu n'as pas le bac, tu n'as pas d'avenir. Point. Mmh, et ça fait mal au ventre d'entendre ça, parce que voilà, si tu peux nous peut-être nous raconter de manière peut-être juste en images, quelles étaient les plus grosses pressions qui te nouait le plus le ventre? Alors ça a été les plus gros diplômes, donc le brevet et le bac. Je viens de le dire. Donc, ça veut dire que, allez, à partir de la quatrième, on te prépare au brevet. Donc, pendant 2 ans, on est beaucoup brevet, préparation de brevet blanc. Une fois que tu as fini le brevet, qu'est-ce qu'on a derrière ? Le bac. Ah oui, d'accord. Donc, on arrive en seconde, c'est la seule année où, entre guillemets, on peut se relâcher un petit peu. Et puis, en fait, non. En fait, si je comprends bien, une fois qu'on est dans la peau d'un adolescent et d'un jeune, en fait, son panorama quotidien, son environnement, c'est l'examen, en gros. Oui. C'est exactement la mise sous la loupe. C'est une pression terrifiante. Déjà en cinquième, en fait, moi je suis de nature très stressée, mais en cinquième, j'étais déjà extrêmement stressée de passer le brevet. C'était quelque chose qui me mettait mais une pression folle, en sachant que j'avais beaucoup de difficultés déjà. En cinquième déjà, j'avais une pression folle pour le brevet. Ouais. Donc quand on imagine ça, on comprend mieux maintenant pourquoi 98% des jeunes actuellement sont stressés. Parce qu'en fait, alors là, tu nous parles de l'étape brevet, l'étape bac, mais alors je passe les étapes de la rentrée dans la vie active. Quand est-ce que tu as un travail ? On peut en parler de ça. Bon, on en parlera. après une chanson que je trouve aussi très sympa, qui est de Vianney. Voilà. Ce drame, le prendre à la légère, comment tu fais toi? De ce vague à l'âme, j'aimerais me défaire, comment tu fais? C'est qu'une attitude, j'improvise ma foi, rien qu'une habitude, crois-moi. C'est qu'une attitude, le dernier mot je l'ai pas, sur la vie au train où elle va. Nous reprenons le direct avec Radio Gemozo 03 29 62 40 40 ou les réseaux sociaux, la page Facebook de Radio Gemozo et la page Facebook de Ralentir pour vivre à beau. Alors Lee, je vais te le dire directement parce que je suis grand-mère. Suis extrêmement choquée. Choquée de cette... bon, je le savais plus ou moins, mais là, je le ressens différemment, de cette formatation dans laquelle on met les enfants. Et là, je reste un peu perplexe. Parce que, je dirais, de mon époque, c'était entendable. On nous formatait, on avait compris le film. Mais on est au 21e siècle. Autant que ça dure encore, c'est vrai que c'est... C'est choquant. Oui. C'est choquant. Et donc, par rapport à ça, je dirais... Alors, tu l'as vécu d'une manière... voilà, la pression, c'était les examens. Et est-ce qu'il y avait une écoute par rapport... Est-ce qu'on te laissait un petit peu de sortie, en dehors de ta sphère privée, pour les matières dans lesquelles tu étais plus à l'aise? Au collège, non. Au collège, seulement au collège, enfin, dans le cadre scolaire, tu veux dire? Oui. Pas vraiment. Non, non. En seconde, oui, j'ai redoublé ma troisième pour justement avoir les facultés pour rentrer en seconde générale, pour rentrer justement en spécifique art. Oui. Et là, en seconde, j'ai eu le temps de... Enfin, on avait la possibilité d'aller dans la classe d'art pour faire ce qu'on avait. Mais en fait, je pensais que ça prendrait beaucoup plus de place dans l'emploi du temps. Mais pas du tout. Au final, on avait 2 heures d'art plastique dans la semaine. Oui. Ce que je pensais qu'il y aurait là, beaucoup plus. Et en fait, pas du tout. Oui. Là, je vais mettre de l'eau à ton moulin. J'ai ma voisine qui est prof d'art plastique. Elle n'arrive pas à trouver un poste parce qu'ils sont supprimés de plus en plus. Oui. Donc ça, c'est assez violent, effectivement. Parce que si tu ne prends pas la spécificité de prendre cette matière-là, en fait, on n'en a plus. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Oui. Voilà, donc effectivement, donc on va parler effectivement de la pression qui est exercée sur les jeunes. Et donc tu disais maintenant, dans la vie active, il n'y a plus de pression. Mais alors là, j'ai envie de dire, parce que tu es quand même la porte-parole des jeunes en règle générale, de ce que tu entends, de ce que tu vis autour de toi avec tes amis et tout. Je sais que tu es quand même dans une famille particulièrement, on va dire, ouverte et à l'écoute. Maintenant, les autres familles n'étant pas comme ça, qu'est-ce que tu pourrais dire de la rentrée dans la vie active des gens qui t'entourent ou de ce que tu as vu? Alors, je suis très avancée sur mon âge. Donc, je n'en connais pas beaucoup des personnes qui sont rentrées dans la vie active de mon âge. Mais je peux dire que le lancement dans la vie active, par exemple, j'ai une amie cette année qui passe le bac. Son papa est très, très, très carré. Et en fait, là, au fur et à mesure de l'année, elle a beaucoup baissé dans les notes. Et on lui met pareil, enfin, elle se met, on lui met une pression folle. Et en fait, justement, après le bac, il faut déjà qu'elle réfléchisse. Et elle y réfléchit déjà depuis longtemps à Parcoursup. Parlons-en de Parcoursup. Ah oui, parlons-en. Parcoursup, c'est les choix que tu dois faire. Je crois que tu en as 2 ou 3. Bon, je ne suis pas très bien placée pour en parler, je l'avoue. Mais on a quelques choix pour après. Donc, ça veut dire que tu fais tes 4 années de collège, tu fais tes années de lycée. Et après quoi, tu dois réfléchir à vers là où tu t'orientes après le lycée. Alors qu'on se dit que c'est fini après le bac. Mais non, faut encore chercher d'autres formations pour continuer la rentrée dans la vie active. Effectivement, on dit que les jeunes de la génération Z sont face à des syndromes au syndrome d'épuisement beaucoup plus que les autres générations. Parce que, alors, parcours scolaire, j'entends bien, comme on a dit un peu avant, cette surcharge d'activités, même qu'elles sont de loisirs, depuis la plus tendre enfance. Et comme nous l'a dit Lisa dans son témoignage, elle ne pouvait pas faire 3 notes au piano, que tout d'un coup son environnement disait « Oh mais t'es génial, tu vas pouvoir être une star et tout ». C'était extrêmement oppressant pour elle. L'enfant ne peut plus avoir un moindre talent sans qu'on le voit comme la star des stars et d'être au-dessus de tout. Donc, il y a cette pression dans la prime jeunesse avec les loisirs, les occupations. Cette pression adolescente qu'on vient d'entendre par ton témoignage, qui est quand même, on va dire, à mon sens, extrêmement délétère, extrêmement, pour employer un mot plus simple, mortel. Allez, on va le dire, c'est pas plus simple, c'est mortel. On peut le dire. Ouais, voilà, on peut le dire. Et alors, la vie active, rentrer dans la vie active, là, c'est le coup de poignard. Mais en fait, c'est ça, c'est la longévité de la chose. C'est long. C'est, on rentre au collège, on te demande ce que tu veux faire. On rentre au lycée, on te dit de te concentrer sur le bac et on termine le lycée et on te redemande encore une fois qu'est-ce que tu veux faire. Ça se finit jamais, en fait. Oui, c'est lourd quand même. C'est long, c'est très long, en sachant qu'on est à l'école à partir de 3 ans. Oui. Et puis si on rajoute là-dessus, alors là, on va aller plus jeune, plus loin dans la pression qui est mise sur les jeunes. Alors d'accord, qu'est-ce que tu veux faire? Tout ça, j'entends bien. Quand tu sors du bac, qu'est-ce que tu veux faire? Et qu'est-ce que tu veux faire? Et qu'est-ce que tu veux faire? Et sans arrêt. Et ensuite, trouver du travail. Mmh. C'est quand même pas... Moi, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, d'autant que... Alors, je comprends bien que maintenant, on peut bouger, aller travailler à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France et tout. Par contre, il y a peut-être des personnes qui ont envie de rester près de leurs proches et qui ont envie de vivre où ils vivent. Ce que je peux dire là-dessus, c'est... Ça dépend de son parcours, en fait. Ça veut dire que moi, personnellement, j'ai arrêté, du coup, je le disais, mon lycée en seconde. Donc, j'ai un brevet, j'ai rien derrière. Et c'est vrai que c'est dur. Sans formation, sans truc à approfondir, c'est dur de se lancer. Faut avoir les contacts. Mais quand tu te lances dans la vie, en fait, tu t'en as pas. Lancé dans un néant, tu sais pas où aller. Il faut avoir les personnes derrière qui te poussent dans les bons endroits. Mais encore faut-il les avoir, ces personnes-là. Voilà, et puis avoir envie de faire quelque chose de particulier. Moi, j'ai plusieurs exemples dans mes proches qui n'ont pas eu envie de faire des études jeunes, qui sont arrêtés aussi au brevet et autres, et qui ont refait des études à 38, 39 ans, parce que là, vraiment, ils kiffaient. Ils kiffaient quelque chose, c'était vraiment... Ça avait du sens, et ils faisaient avec vraiment la joie et tout. Je trouve quand même pénible qu'on mette la pression sur les jeunes, parce que c'est pas moi qui l'invente, hein, 98% de la génération Z est proche du burn-out. 98%, on rigole plus, là, on va pas se mentir. 98%, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? C'est dramatique. On fait une génération stressée, hypersensible. C'est que ça, je peux le Donc, dire. Donc, les symptômes, c'est comme ça que tu les vois, Mais quoi. On est tous stressés à un point, c'est étonnant. Et ça se traduit comment dans les comportements? Des crises de larmes? En fait, c'est pareil, c'est sur le temps. C'est au début, en fait, c'est une explosion, je pense. C'est d'un coup. On le ressent longtemps. Et après, c'est tout part. On n'est plus motivé, on n'a plus envie de rien faire, on n'a plus envie de chercher. Oui, certainement, des crises de larmes, des crises de panique. Beaucoup de crises de panique. Je sais que ma génération est très, très atteinte par les crises de panique. Moi-même, j'ai été touchée par ça. Et c'est très dur et c'est très courant aujourd'hui. On n'en entendait pas beaucoup avant de ça, des crises de panique. Ouais, les symptômes. Mais ouais, ça... Là, on va écouter le témoignage d'une maman dont l'enfant de 14 ans a fait un burn-out et qui nous parle de l'expérience qu'ils ont vécue. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de burn-out chez les adultes. On sait un petit peu moins que ça peut concerner les adolescents aussi. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, vous êtes la maman d'Ewan qui a 17 ans, de Maëlan qui a 9 ans. Votre fils Ewan, il a totalement perdu pied avec la pression. C'est quelque chose auquel vous vous attendiez pas forcément, pas parce qu'un adolescent, on peut pas imaginer qu'il vive un véritable burn-out. C'est vraiment le diagnostic qui a été posé. Donc merci d'être là, parce qu'on a besoin de savoir comment vous l'avez accompagné et surtout comment il s'en est sorti. Avant de développer son burn-out scolaire, quel genre d'enfant, je dirais, était Ewan? C'est un enfant qui a toujours été très joyeux, hein, pas du tout stressé de nature, enfin... intériorisée un petit peu, mais en tout cas, pas de grand stress majeur. Très sociable, beaucoup de facilité à l'école, donc pas un grand travailleur. Il avait de très bonnes notes sans trop forcer, pas de problème particulier pour s'insérer. Ça se passait plutôt bien en classe. Quelques petits soucis de bavardage, mais rien de catastrophique. Donc plutôt, on va dire, une petite vie tranquille, bien entourée. Voilà, un enfant, je dirais, qui ne vous pose pas de problème, bien au contraire. Du tout. Il faut dire aussi que c'est un sportif de haut niveau. Tout à fait. Il fait de la natation, il pratique de manière intensive, hein, puisqu'il s'entraîne 6 jours sur 7, plus des entraînements pendant toutes les vacances scolaires. Donc il est quasi en niveau presque aux portes des nationales à l'heure actuelle. Donc ça demande beaucoup de travail, donc c'est pas forcément évident de toujours réussir à cumuler les deux. Il a commencé la compétition à l'âge de 8 ans. Donc ça. Mais c'est une passion pour lui. Oui, c'est une passion. C'est quelque chose qui lui plaît. Il n'y va pas en traînant les pieds. Hein, Tout. Non, c'est son choix. Bah, je pense que de toute façon, vu le nombre d'heures qu'il nage par semaine, il faut vraiment que ce soit une passion parce qu'il faut être très très motivé quand on y passe tous les jours, les vacances, les week-ends, avec toutes les compétitions qu'ils peuvent avoir. Donc oui, c'est vraiment une passion pour lui. Ouais. Alors en entrant en troisième, il a donc fait de la natation en section élite. Vous l'avez dit, un rythme plutôt soutenu. Oui. Parallèlement, forcément, les cours se densifient un petit peu. Il y a le brevet des collèges qui arrive à la fin de l'année. À quoi ça ressemblait ces semaines en troisième? Parce qu'on imagine qu'avec les entraînements plus la pression de l'examen de fin d'année, ça devait être un peu difficile pour lui. C'est rapidement devenu un enfer. Donc, comme il était en section trilingue, donc anglais, allemand, espagnol, il avait des heures de cours en plus. Il a eu évidemment toutes les sessions de brevet blanc, le stage aussi, le stage qu'ils ont à faire en troisième avec la soutenance à préparer. Dans le même temps, il avait ses qualifications pour les championnats de France qu'il devait atteindre pour plus tard dans l'année. Donc, il a un petit peu tout qui lui est tombé dessus, aussi la future inscription au lycée, il fallait faire ses choix. Ça faisait vraiment énormément de choses. Ça fait beaucoup de choses, effectivement. À quel moment vous avez senti qu'il était submergé alors par tout ça? Ça a été au mois de décembre, parce que là, au mois de décembre, ça a vraiment été un concentré d'un peu tout. Hein. Les entraînements qui se sont intensifiés, avec parfois des sessions à 6h30 le matin avant d'aller en cours. Les brevets blancs qui ont commencé à tomber, beaucoup de contrôles à rendre avant les vacances. Les profs étaient partis là-dessus de beaucoup les évaluer avant les vacances. Le stage, juste avant les vacances de Noël. Et puis, j'ai senti que ça a commencé à partir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il procrastinait beaucoup. Il était tellement submergé qu'il disait « je ferai demain ». À un moment donné, j'ai eu des alertes de la part de l'école parce qu'il ne rendait plus de devoirs. Donc il a commencé en plus à avoir des heures de colle pour arranger les choses. Et puis il a commencé à devenir plus mutique, plus renfermé sur lui-même. Il voulait plus trop parler. Alors ça, on n'a pas vu de changement au niveau du sport parce que ça a toujours été sa bouée de sauvetage. Mais par contre au niveau de l'école, on a vraiment vu une chute. Ouais. Et vous, en tant que maman, comment est-ce que vous vous sentiez par rapport à ce mal-être que vous voyiez grandir à l'époque? On se sent un petit peu démunis parce qu'on le voit complètement changer sous nos yeux. Et puis, comme tous les adolescents, quand on essaye de savoir, en général, ils veulent pas trop nous dire ce qui va pas ou ils vous répondent « tout va bien ». Donc c'est difficile, on se sent vraiment démunis, mais sans non plus s'inquiéter outre mesure. On sait que les adolescents, c'est fluctuant, des moments ça va bien, d'autres moins bien. Donc on essaye d'être présent, mais on pense pas tout de suite à des choses beaucoup plus graves, d'autant plus que c'était la première fois. Donc vacances de Noël très compliquées. Oui. Et après, comment se sont passés les premiers jours de janvier, la rentrée? Alors au niveau de la rentrée, alors là ça s'est vraiment beaucoup aggravé. Ewan a commencé à avoir des symptômes physiques, des malaises, des maux de tête. Il était extrêmement pâle, il mangeait beaucoup moins, il dormait très mal. Il a aussi commencé à ne plus vouloir aller à l'école. Comme moi, le matin, je pars très tôt travailler. Il m'appelait à l'heure à laquelle à peu près il devait partir pour l'école en me disant « je me sens pas bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à l'école ?» Donc évidemment, quand vous n'êtes pas à côté, c'est un peu compliqué. Donc voilà, la dernière minute, je prévenais à l'école qu'il n'allait pas venir en cours parce qu'il n'était pas bien. Et vous nous avez raconté en préparant cette émission qu'il y a même un jour où il a failli tomber dans les pommes. Tout à fait. Son père, un jour, donc, l'emmène en voiture au collège. Et Ewan n'a pas pu descendre de la voiture parce qu'il perdait connaissance, en fait. Il était blanc comme un linge et il perdait connaissance en arrivant devant l'école. C'était à ce point, oui. le refus d'aller à l'école était aussi un fort blocage physique. Est-ce qu'il arrivait à vous en parler? Non. Non, il n'arrivait pas à exprimer son mal-être. Non, il n'exprimait pas. Bon, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'on est passé d'un enfant plutôt ouvert et joyeux à un enfant totalement fermé, qui pour le coup passait ses journées à dormir. Hein. La seule chose pour laquelle il daignait sortir de sa chambre, c'était les entraînements. C'est ce qui, je pense, lui a maintenu la tête hors de l'eau, parce qu'il n'a jamais cessé de nager en dépit du fait qu'il n'allait plus à l'école. Mais sinon, oui, ça a été... Bon, c'était plus du tout le même enfant. Alors quand on entend effectivement cette mère qui témoigne, ça met les frissons, et cette génération donc effectivement qui est sous pression. Peut-être maintenant, Lee, tu vois ça un peu peut-être différemment, parce que c'est un petit peu la normalité chez les jeunes maintenant. D'avoir de la pression comme oui, ça. Oui, et de vivre avec ça. Oui, c'est très très normal. Tout le monde au lycée est stressé tout le temps. Même quand on sort du lycée, finalement, même encore après. Hein. Et puis, c'est ce qu'on discutait en off, là. Il y a aussi la pression qui est mise indirectement sur les parents. Ce sera un de nos prochains sujets, le burn-out maternel, qui est effectivement paternel, hein, des parents, parce que la pression, ben, elle est partout, quoi, en quelque sorte. Hein. Et effectivement, se trouver dans des milieux comme ça... Alors... Je pense que quand on en prend conscience, ça ne règle pas le problème, mais ça aide quand même un petit peu. Comment tu te sens maintenant, sortie du lycée, sortie... Je me sens beaucoup plus légère, libre, je dirais. Parce que quand t'es dans ces cadres-là, on dirait qu'il n'y a que ça qui compte. Il n'y a rien d'autre autour qui est important. C'est le travail, ton avenir. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il te faut une chose précise. Mais en fait, quand tu sors de ça, tu te rends compte qu'il y a tellement de possibilités de vie et de chemin de vie. C'est ça. Et de chemin professionnel. Enfin, oui. C'est le monde est grand, quoi. C'est ça. Mais quand on est dans le lycée ou dans dans ce système scolaire, tu es presque matrixé. J'ai envie d'utiliser ce mot-là. T'es matrixé. On te matrixe par ces idées-là. Ouais. Il te faut une chose. Il faut une chose pour toute ta vie. Oui, c'est ça. Or que c'est ridicule. Mais comment c'est possible? Non, puis c'est ridicule. C'est long. Mais non, parce qu'on sait que de toute façon, c'est fini l'époque où on faisait un métier pour sa vie. Voilà. Et en fait, on devrait reprendre les sociétés primitives qui, elles, quand l'adolescent il arrivait à l'âge adulte, il faisait ce qu'on appelait un voyage, ou au Moyen-Âge, il y avait le voyage des compagnons. Un voyage expérimental. Parce que il faut déjà apprendre, c'est vrai, comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'on veut faire si on ne connaît pas le monde? C'est expérimenter, tout à fait, c'est le mot. C'est voilà. Si on ne fait expérimenter que le maths, le français, le sport, en cours, tu n'expérimentes pas grand-chose à part des calculs et un peu d'orthographe, quoi. Oui. Mais la vie, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et c'est quand même, à mon avis, là, je suis un petit peu... Allez, on va parler jeune, vénère. Hein. Je suis un peu vénère parce que le gâchis qu'on fait avec la jeunesse et puis se rendre compte qu'en fait on est dans une impasse, on est rentré là-dedans, alors ce sera en plus aux jeunes de prendre en charge, d'enlever ce carcan et de faire exploser l'histoire, parce qu'à un moment donné ça va plus être tenable. 98%, non mais c'est impensable. Et puis, on a tellement de possibilités de métiers aujourd'hui. C'est tellement grand que... Enfin, comme je disais, moi, je suis artistique, mais on m'a pas donné la possibilité, en fait, d'approfondir ça. Bien sûr. C'est très réduit à un seul truc précis qu'on doit apprendre à l'école, le programme précis qu'il faut faire. Mais il y a tellement de choses à expérimenter. On le disait, en fait. Il y a tellement de choses à expérimenter qu'on n'a pas la possibilité d'expérimenter. C'est parce ça, que l'éducation exactement, nationale... exactement. C'est difficile de vouloir absolument faire vraiment une chose particulière, voilà. Surtout jeune, et surtout, je vais rajouter quelque chose, élevé sous une espèce de globe quand même, parce que les enfants, on les élève quand même sous des... Enfin, surprotégés, hein, voilà. Donc comment est-ce qu'ils peuvent apprendre surprotégés? Difficile. Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là. J'ai dit près de toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul. Donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs. Je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, tout nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours. Pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air. Il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme. Du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle. Pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare. Je me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket. Alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle. Je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi. Donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Voilà, nous revoilà en direct avec Lee pour reparler donc du syndrome d'épuisement pour les jeunes. Donc, on avait proposé cette émission et comme invité Lee, sans voir beaucoup plus loin, à vrai dire. Je dois reconnaître que je savais que ça existait chez les jeunes. Et donc, il y a ce témoignage qui va passer dimanche d'une jeune qui en a eu à l'âge de 20 ans. Et là, je suis en train de me rendre compte, après cette interview que j'ai faite avec toi, que le sujet est plus grave qu'il n'y paraît. Que ce sujet va demander de notre part qu'on investisse plus et entre autres qu'on en fasse d'autres, des missions avec des jeunes. Si d'autres jeunes se sentent à la hauteur de venir ici à la radio en parler de ce qu'ils ont vécu, ce serait intéressant. Lee. Je suis d'accord parce que justement en parlant aussi, dans mon entourage qui n'est pas si grand que ça, toutes les personnes sont atteintes de stress dans la vie du travail. Toutes les personnes que je connais sont très, très, très, très stressées par ce qu'elles vont faire plus tard ou est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment le bon chemin. Mais je me rends compte, en fait, qu'on vous a mis dans la tête des obsessions. Ah oui, oui, oui. Mon copain, il a bientôt 24 ans et avant l'été dernier, il ne savait pas du tout ce qu'il voulait faire. Donc il avait 22 ans quand je l'ai rencontré, il était encore complètement perdu et il a seulement trouvé cette année ce qui lui plaisait et seulement ce qui lui plaisait. Donc ce qu'il voulait faire, bon, ça c'est encore assez vague, mais il a trouvé seulement cette année ce qui lui plaisait de faire. Donc oui, c'est quand même... en fait, je suis en train de rentrer, si tu veux, grâce à toi, Lee, je suis en train de rentrer dans un monde que je voyais de l'extérieur, mais que je ne visualisais pas de l'intérieur. Et je suis en train de me mettre à l'intérieur, là, et je sens un étau qui me tient comme ça, en me disant que la jeunesse... Parce que nous, on n'a pas eu la même jeunesse hein, dans les années. Quoique, même moi, personnellement, quand on me demandait ce que je voulais faire, je ne savais pas. Donc, je pense que ça doit être un truc d'adolescence. Ça, c'est normal, de jeune. Mais nous, on ne nous mettait pas une telle pression. Pourquoi ? Parce que dans les années 80, c'est vrai qu'on trouvait du travail en claquant dans les doigts. Et chacun faisait un peu à sa façon. Seulement, maintenant, on est arrivé dans une période où, effectivement, donc depuis, allez, on va dire depuis l'âge de 12 ans, Oui, on peut ou dire même ça. Un peu même avant, un peu avant ouais. Même un peu avant, 8, 9, 10 ans, pour l'orientation après. CM1, CM2, ça a commencé. Voilà. Je ne sais pas trop à quel âge ça équivaut, mais... Donc, on pourrait dire qu'on commence à mettre une pression violente sur les jeunes à partir de 8 ou 10 ans. Alors, violente, une petite pression à partir de 10 ans, violente à partir de la 6e, donc oui, 12 ans, c'est, ça commence à devenir bien violent, ouais. Et de plus en plus, en fait, c'est de la maltraitance. Franchement, on peut le dire comme ça. Quand je vois les personnes que je côtoie aujourd'hui, franchement, ouais, parce que je vais revenir là-dessus aussi, j'ai deux amis qui se battent tout le temps, tous les jours, pour retrouver un boulot, parce que elles ont plus ce boulot-là aujourd'hui, et qu'il faut qu'elles retrouvent un autre boulot, sauf qu'il est court, mais du coup, il faut repenser après, parce que ce boulot-là, il va durer qu'un mois, et après les un mois, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, et en fait, c'est un cercle vicieux. Infini, parce que justement, elles ont pas suivi ce cycle. Ce serait intéressant d'approfondir cette histoire de crise de panique, parce qu'apparemment, la crise de panique, pour vous, c'est comme le mal de tête pour c'est nous plus vieux, quoi. C'est devenu une normalité. C'est pas normal. Je disais, ma maman, quand elle a commencé à faire des crises d'angoisse, elle se demandait ce que c'était. Alors que pour nous, c'est complètement normal. C'est, t'as fait une crise d'angoisse? Non, mais tu fais exprès, arrête. Oh ouais. Donc c'est vraiment une pression qui est violente. Donc on reparlera de ce sujet. On viendra avec une invitée surprise dans 15 jours. Et on va remettre ce sujet, ainsi que le burn-out maternel. Et puis peut-être que je ferai venir une personne qui, justement, a refusé de noter ses élèves dans une institution et qui a été extrêmement mal considérée pour ça. Parce que, justement, elle ne voulait pas mettre la pression sur les jeunes parce que les capacités ne sont pas en fonction des cases qu'on remplit. Donc, on verra par la suite comment on peut décliner tout ça. Nous vous remercions, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute et nous vous disons à mardi dans 15 jours avec À Contre-temps, c'est à vous en direct. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site ralentirpourvivre.org où vous pouvez nous contacter si vous avez quelque chose à dire. Vous garderez l'anonymat, là il n'y a pas de problème, seulement en parler, c'est une chose qui mène vraiment à arrêter ce genre de souffrance. Voilà. Merci, chères auditrices et auditeurs. À très bientôt.